En Corée, un meeting a eu lieu le 18 juin à l'occasion du 60e anniversaire de l'inspection du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il à la plaine de Miru. Y ont participé le vice-président du comité central du Parti du travail de Corée, Kwa Pom-gi, et autres cadres intéressés, ainsi que les agriculteurs des arrondissements de Singye, de Koksan et de Suwon de la province du Hwanghae du Nord. Le 19 juin de l'an 46 du JT 1957, les grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il ont visité le complexe agricole national de Singye d'alors, avec le grand dessein de mettre en valeur la plaine de Miru. Plus tard, ils l'ont inspecté plusieurs fois pour son développement.